Donc, le livre d'Agé, on le termine ce soir. On a vu que le tout a commencé parce que le peuple avait été délivré de l'esclavage par Dieu, renvoyé en Israël avec un but bien précis. Excusez. Un but bien précis, celui de rebâtir le temple de Dieu. C'était le but. Dieu dit, je vous envoie là-bas. Et il a suscité ça dans le cœur de Cyrus et dans le cœur de Darius, les deux rois, les Médés et les Perses. Et il dit, ben, de retourne mon peuple pour qu'il bâtisse mon temple. Parce qu'il faut comprendre, dans la mentalité de ces pays-là, de ces sociétés-là, dans ce temps-là, le temple était la chose la plus importante de la ville. Parce que c'est là que tu mettais tout ton engagement pour Dieu. Si tu bâtissais un gros temple, c'est parce que Dieu était très important dans ta vie, puis c'était vraiment ça, puis plus tu l'as... Vous marquerez ça dans l'Ancien Testament. Aussitôt que le temple commence à laisse aller le temple, commence à moins l'entretenir, automatiquement, Israël était en train de s'éloigner de Dieu, puis plantait. Il y avait une relation directe entre les deux, et tous les dieux païens, les dieux païens, mais tous les païens alentours d'Israël, analysaient de la même façon. Fait que les autres, s'ils passaient en ville, ils voyaient qu'il y avait juste un petit temple minus, ils disaient, pas un dieu important, c'est pour ça qu'ils traînaient leur dieu à la guerre, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et nous autres, pour nous autres, ce côté-ci de la croix, c'est toute une autre histoire, là. Mais on a compris un petit peu plus, pour nous autres qui avons été élevés catholiques, comment c'était important. La plus grosse bâtisse de la ville, c'était l'église. La plus grosse maison, c'était le presbytère. Et de cette façon-là, on t'a supposé montrer, en tout cas, que c'était la chose la plus importante dans notre vie. La religion était très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la religion est devenue presque sans importance. Et on va aux églises pour faire des bars, puis pour faire des restaurants, puis pour faire des musées. Pourquoi? Parce que maintenant, la religion, ça n'a plus d'importance, ou presque plus d'importance. Donc, voyez-vous, ça joue, là. Ça n'a plus d'importance, on vend les baptistes, on les défait, on les vend pour une pièce à la ville pour faire quelque chose avec. Les gens qui viendraient de l'extérieur diraient, ben, ces gens-là ne sont plus catholiques. C'est plus important pour eux autres, l'Église catholique. C'est plus important. Donc, dans ce temps-là, c'est la même chose. Et Dieu, il les renvoie au pays, puis il leur dit, rebâtissez mon temple en premier, parce que c'est ça qui va montrer à tout le monde alentour que c'est ça le plus important pour vous. C'est moi la priorité. Et le peuple arrive là, puis il commence, mais pour toutes sortes de petites raisons, il abandonne tout de suite, puis ils prennent les argents que Dieu leur avait fournis par Cyrus, et ils virent de bord, puis ils commencent à se construire des cabanes à eux autres. Et là, Dieu intervient par Agé. Vous ne faites pas ce que je vous ai dit, et vous êtes en train de démontrer à tout le monde, autant à vos femmes, à vos maris, à vos enfants, à vos voisins, que la chose la plus importante, c'est vous et non pas moi. Donc, c'est vraiment une réaction très, très forte de la part de Dieu. Dieu réagit tout de suite. Dieu il a beaucoup de misère à accepter. Il n'y a pas beaucoup de misère. Il n'accepte pas, c'est ça que je devrais dire, d'être en deuxième. Dieu n'acceptera jamais d'avoir une deuxième place pour qui que ce soit, quoi que ce soit. Il n'accepte pas ça. Il ne veut pas ça. Donc, quand le peuple arrive à ce point-là, ou que quelqu'un arrive à ce point-là dans sa vie, Dieu intervient. Dans ce temps-là, il intervenait de façon très, très forte, en les faisant perdre la guerre, en les frappant de maladies, de difficultés, et les envoyant en esclavage, pour qu'ils apprennent. Et c'est ça qu'on a vu ça ensemble. Et on a vu que, dans différents passages de l'Ancien Testament, Dieu fait comprendre à Israël qu'ils se sont éloignés de la bonne priorité. Et avant de les envoyer en esclavage, il y avait tout le temps toutes sortes de façons de leur montrer. Puis une des façons, c'est que dans le prophète Malachie, il va leur dire, vous m'offrez au temple, vous m'offrez vos restes. Vous m'offrez vos restes. J'en veux pas. Puis il leur donne comme exemple, allez offrir vos restes au gouverneur, ouais. Allez offrir vos restes au maire de la ville, ouais, s'il va être bien heureux de votre affaire. Et il va vous le jeter à pleine face. Il dit, pourquoi vous m'offrez à moi vos restes? Donc, si on offre nos restes, ça veut dire que la personne à qui on offre notre reste est moins importante que nous. C'est normal. Jésus amène la même vérité quand il dit ils donnent de leur superflu, donc ils donnent de leur reste. Et Dieu. Il n'y a personne qui est impressionné par le fait que tu lui donnes ta vieille couchette. Il n'y a personne qui est impressionné par ça. Il va te remercier, mais il n'est pas impressionné par ça. C'est tu donnes ton reste, ce que tu ne veux pas avoir pour toi, tu donnes un autre. Donc, ce n'est pas vraiment impressionnant pour personne, ça. Même les païens agissent de même, on dit la Bible. Les païens font la même chose. Donc, Dieu va leur dire à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, parce que vous m'offrez, je m'aperçois que je ne suis plus la priorité. Puis c'est pour ça que vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, il y avait une loi que quand tu donnais quelque chose au temple, tu donnais les prémices, le best du best. Donc tu ramassais les prémices et tes meilleurs animaux, tu les donnais, tes meilleures poches de grains, tu les donnais. Tu ne donnais pas ton grain qui avait chauffé un petit peu ou qui avait mal germé. Tu donnais la meilleure. Tu ne donnais pas la brebis qui avait un œil croche, mais tu donnais ta meilleure brebis. Et donc, tant que le peuple faisait ça, Dieu comprenait qu'il était le plus important. C'était lui qui était le mieux traité. Et je me souviens chez nous, en tout cas, il me semble que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me semble que ça se présente bien comme exemple. Dans ma famille, la famille de ma mère, on servait le plus gros morceau et le meilleur morceau au patriarche de la maison. Même si on était 40 dans la maison, il était celui le premier avec le meilleur morceau. S'il avait du filet mignon, il l'avait. Puis les autres, on dit, on rongeait les os, c'est bon, tu sais, les plus petits. Puis aujourd'hui, on a fait le contraire. On donne le filet mignon aux enfants, puis c'est les parents qui rongent les os. On a complètement inversé ça à l'envers. Les enfants sont devenus la priorité dans les familles, et ça se voit dans notre société, que c'est rendu comme ça. Mais c'est une façon, vous remarquez, quand Saül, le roi, quand il arrivait à une place, et que, aussitôt, hop, le roi arrivait, on coupait le meilleur morceau de la viande, puis on l'emmenait au roi, on le mettait dans son assiette. C'était la façon de dire, quoi, t'es le plus important, t'es la priorité, c'est à toi l'honneur, c'est une façon de faire les choses. Et Dieu, dans toute la semaine, il va leur dire, je veux vos prémices, je ne veux pas avoir d'autre chose que ça. Et même les prêtres, quand ils recevaient, eux autres, parce qu'ils recevaient les prémices dans le temple, eux autres, ils recevaient 10 poches de moulé, ils devaient donner le prémice des prémices à Dieu, parce qu'eux autres aussi offraient des choses, des sacrificateurs. Donc, c'était, ils donnaient le meilleur du meilleur, pour montrer à Dieu, eux autres aussi, « Hey, t'es le plus important parmi nous. » Donc, Dieu, tout au long, il va leur dire, « Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. » Et vous n'êtes pas engagé. Et là, il les demande, puis il leur dit, revenez à la priorité que je vous avais demandé. Revenez bâtir le temple. Je vais en tirer de la joie et de la gloire. Et ensuite, vous ferez vos maisons. Ensuite, vous ferez d'autres choses. Mais maintenant, en premier, faites ça. Mais ça, c'est humainement impossible. C'est humainement impossible. L'homme, de par sa nature de pécheur, ne fera jamais cela. Et votre chair, comme la mienne, ne veut pas faire ça. Elle ne veut pas. C'est impossible pour la chair de faire ça. Donc, si on n'avait pas l'Esprit de Dieu, on ne ferait pas ça. Et même avec l'Esprit de Dieu en nous, et notre nouvelle naissance, on a encore la chair, et le combat persiste jour après jour dans notre vie pour la priorité. Et on se bat avec ça. Qui va être le premier? Et je crois que l'Esprit de Dieu finit toujours par gagner, parce qu'il est plus fort que la chair. Hein. Et il a promis que ce serait ça. Mais on ressent, vous ressentez probablement comme moi, que cette lutte est continuelle pour nous autres, continuelle. On va pour prendre des décisions, puis on ne pense pas toujours en fonction de Dieu dans notre décision. On demande à Dieu de nous aider dans notre décision, mais est-ce que c'est Dieu la raison fondamentale de notre décision? Est-ce que c'est sa gloire la raison fondamentale de notre décision? Et je vous garantis que bien des fois, on plante mal sale, c'est pas ça la raison. Mais le Saint-Esprit nous aide, puis nous convainc, puis nous montre dans ce sens-là. Ce soir, à partir du chapitre 2, verset 10, il va reparler, il va renvoyer à Jésus, parce qu'il l'envoie souvent, là. Nous, c'est juste deux petits chapitres, mais il y a 4-5 fois, il y a 4-5 visites là-dedans, où est-ce qu'il envoie, parce que Dieu, il ne parle pas à l'être humain à travers les nuages, il parle aux êtres humains par un être humain, la part du temps. Le prophète, lui, avait des fois des révélations à travers les nuages, par un rêve, une vision, une révélation directe, il entendait des voix de la part de Dieu, mais le peuple, lui, 99% du temps, il entendait la voix de Dieu à travers la voix humaine d'un homme, c'était pas un prophète. Au chapitre 2, verset 10, c'est marqué « Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? » Le sacrificateur répondit, « Mais non. » Et Agée dit, « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? » Les sacrificateurs répondirent, « Elles seront souillées. » Alors Agée, reprenant la parole, dit, « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit-elle, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré ça, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore dans la semence, dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du 9e mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ai ébranlé les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. L'homme doit avoir la bonne priorité dans sa vie. L'être humain doit avoir la bonne priorité dans sa vie. Sans cette bonne priorité, l'être humain, ici, est décrit comme étant souillé. L'être humain, quand il n'a pas la bonne priorité dans sa vie, il est souillé. Ce n'est pas les péchés qu'il fait qui le souillent, c'est le fait qu'il n'a plus la bonne priorité qui est souillé. Et tout ce qu'il fait, on va avoir des séquelles de ça. Mais il dit le fait que la personne, elle n'a pas la bonne priorité dans sa vie, elle est souillée. On appelle ça, elle est pécheur. C'est la même chose. Quand l'être humain dans le paradis a décidé que Dieu n'était plus la priorité, que c'était lui maintenant la priorité, l'homme est devenu souillé ou il est devenu pécheur. Et c'était le cas pour jusqu'à aujourd'hui. L'homme est souillé de par sa naissance. Vous avez donné de la naissance à des enfants, vous avez donné une vie à vos enfants, une vie souillée. Ils viennent au monde pécheurs. Et ils vont vivre toute leur vie pécheurs. J'ai déjà vu une personne chrétienne qui ne voulait pas donner la vie, ne voulait pas avoir des enfants, parce qu'il ne voulait pas faire ça. C'était un gros débat dans sa vie pendant longtemps, s'il y avait des enfants, parce qu'il dit, je ne veux pas, mais sans mettre au monde des pécheurs. Et c'était, en tout cas, je ne dirai pas toute l'histoire, mais c'était dans sa vie une question là, d'éthique quasiment dans sa vie. Est-ce qu'il voulait faire ça? Mais Dieu dit que l'homme est souillé de par sa nature. Et le fait, au verset 14, le fait que l'homme est souillé, il souille tout ce qu'il touche. Une bonne pomme ne peut pas rendre les pommes mauvaises bonnes. Hein? Vous avez un panier de pommes souillées, pourris un petit peu, mettez une bonne pomme dedans. Est-ce qu'ils vont tous devenir bonnes? Ben non! Qu'est-ce qui va arriver? Elle va pourrir. C'est comme ça que ça arrive. Donc, il dit, vous autres, il dit, étant souillés, si vous touchez quelque chose, vous les souillez automatiquement. Donc, l'être humain, de par sa nature de pécheur, et selon la parabole qui est ici, ne peut pas faire quelque chose de bon. Il souille tout ce qui touche. Et c'est comme si vous aviez les mains pleines d'huile, tout ce que vous allez toucher, vous le salissez. Et même si vous avez une bonne intention de laver le mur, vous allez le salir. C'est parce que vous avez les mains souillées, tout simplement. L'être humain, n'ayant plus la bonne priorité, il est souillé. Donc, tout ce qu'il veut faire, même s'il dit qu'il veut faire ça pour Dieu, dans la région, peu importe la région qu'il pratique, ce qu'il fait est souillé. Il est souillé parce qu'il n'a plus la bonne priorité. Il ne fait plus pour les bonnes raisons. Il ne fait plus pour la gloire de Dieu. Dans la plupart des religions du monde, ils le font pour gagner leur ciel, en guillemets. Ils ne font plus pour Dieu, ils font pour eux. Ils l'acceptent, ils vont faire des choses, ils vont faire du bien aux voisins, parce qu'ils veulent gagner leur ciel avec ça. La raison fondamentale n'est pas Dieu, mais eux, comment est-ce qu'on dit ça? La fin de l'histoire, le but ultime de l'action, c'est l'être humain. Et même ceux qui font du bien, c'est pas pour eux, ils font du bien pour l'être humain, à l'être humain. Dieu n'accepte même pas ça, c'est encore souillé pour lui ça. Il faudrait que je fasse du bien à un être humain pour que Dieu soit glorifié, et non pas pour que l'être humain se sente bien. Il faut que ma raison soit Dieu et non pas l'être humain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du bien dans le monde. On offre de la nourriture, on donne de l'argent, des milliards de... Mais la fin, c'est l'être humain. Et Dieu dit, c'est souillé. C'est souillé. Fait que même ce que l'homme appelle bien devient mal parce que l'homme n'a pas la bonne priorité. Et ici, lorsque Dieu dit dans le texte, il dit, vous m'apportez des animaux, vous m'apportez de la viande au temple, vous m'apportez des sacrifices, vous apportez de l'argent, mais c'est tout souillé parce que votre cœur est souillé. C'est ce qu'il va dire, Jésus va le dire d'une autre façon dans le Nouveau Testament, qu'on comprend mieux. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur étant souillé, ça me répugne bien plus que d'autres choses. Ça me répugne. Il va dire dans Malachie, je ne vous fais pas de reproches pour les sacrifices, vous me les emmenez tous les sacrifices que vous devez. Vous faites toute la loi. Mais il dit, votre cœur n'est pas là. Votre cœur est souillé dans le sens que votre cœur ne le fait plus pour me glorifier, mais pour toutes sortes d'autres raisons qu'on peut s'imaginer. Et Dieu dit, j'accepte pas ça. On peut se tromper soi-même, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper nos semblables sur nos raisons qu'on fait quelque chose. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu le sait, lui, ce qui se passe là-dedans. Donc, on ne peut pas lui dire, « Ah, j'ai fait ça pour toi. » Jésus va dire d'une autre façon encore dans une autre semaine, « Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? » Donc, c'est une autre façon de dire la même chose. Vous dites bien des choses, hein, vous avez une grande gueule, nous, on dit en québécois, mais vous ne m'impressionnez pas. Là. C'est dans ce sens, l'être humain est comme ça. L'être humain ne peut pas faire autre chose que ça. Et vous savez, quand on dit qu'on est pécheur, des fois, on ne réalise pas ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un qui se déclare pécheur, honnêtement, qui sincèrement il se déclare un pécheur, c'est quelqu'un qui se condamne à l'enfer pour l'éternité en disant ça. Je suis un pécheur, il se condamne à la pire catastrophe de l'humanité, c'est l'enfer. Et c'est pas une petite bagatelle là, de se dire à quelqu'un, je suis un pécheur. Et je suis un pécheur, nous on dit, je suis un pécheur sauvé par grâce, si on rajoute ça. Mais les gens sur la terre qui se déclarent, beaucoup de gens dans beaucoup de religions du monde disent qu'ils sont pécheurs, mais ils ne sont même pas capables de dire qu'ils sont sauvés par grâce. Ils disent qu'ils sont pécheurs, puis ils pensent qu'ils vont racheter le fait qu'ils sont pécheurs, hein, que ce qu'on avait appris quand on était jeune dans la balance. Oui, je suis pécheur, là, mais je fais du bien aussi, fait que j'en fais plus, donc je suis correct. Mais c'est pas vrai, là. Il n'y a rien de côté, là. Tout est souillé, tout est sur le même bord de la balance. Donc, Dieu dit, il faut que tu prennes la bonne priorité. Parce que si tu n'as pas la bonne priorité, tu es souillé. Si tu n'as pas la bonne priorité, tout ce que tu fais devient souillé. Donc, et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est souillé de faire bien. Il ne peut pas. C'est pour ça que quand moi j'ai réalisé ça un peu tard dans ma vie avec mes propres enfants qui n'étaient pas chrétiens. Je leur demandais de vivre la vie chrétienne, mais ils faisaient juste l'extérieur. Puis ils étaient frustrés bien là. Parce qu'ils étaient souillés parce qu'ils étaient des pécheurs, non repentants. Donc, ils ne pouvaient pas arriver à comprendre ce que je tentais de vouloir leur faire faire et pour quelle raison, encore bien moins. Et ils faisaient ce que je disais parce que j'étais plus gros. Et je mettais des punitions. Fait qu'ils le faisaient. Mais ça ne faisait rien de bien. C'était des enfants qui faisaient ce que papa disait, mais pas pour le droit de Dieu pantoute. Juste parce que, puis quand ils ont été assez gros ou assez grands, ou papa est devenu assez intelligent, on a été de le faire tout de suite. Parce que ça n'a pas d'importance pour eux autres. Mais vous, il faut comprendre ça, sans ça, on va s'enrager contre, puis ils ne sont juste pas capables. Même ça, pas qu'ils ne veulent pas, là. Sont là-dedans de plein gré aussi. Là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne sont pas responsables de leur faire. Non, non, ils sont responsables de leurs décisions. Là. Mais ils ne peuvent pas prendre d'autres décisions qu'ils prennent. Un chien ne peut pas chanter comme un oiseau. C'est un chien. Même s'il essaierait, ça va faire Dieu pareil. Au verset 15 à 19, on a vu que le fait qu'on n'a pas la bonne priorité, ou que le fait qu'on devrait avoir une bonne priorité dans notre vie, c'est parce que ça nous éviterait les malédictions. Les malédictions découlent que l'être humain a une mauvaise priorité. Dès le paradis, l'être humain a pris une mauvaise décision, une mauvaise priorité. Les malédictions commencent à couler. Si tu manges de l'arbre, tu mourras. Voilà, c'est commencé là. Et ça a continué. Et Dieu, tout au long de l'histoire, c'est ça qui m'épate de la personne de Dieu, tout au long de l'histoire, il essaie de convaincre l'être humain que tous ces malheurs là, arrive à cause qu'ils ont la mauvaise priorité. L'être humain ne veut pas le croire. Il cherche des raisons aux côtés pour expliquer que si ça va si mal autour de lui, dans sa vie ou dans le monde, que ce n'est pas sa faute, c'est la faute de d'autres choses. Ce n'est pas parce qu'il est un pécheur. C'est parce que ma mère, mon père, mon chum, mes enfants, la société, le gouvernement, on cherche un coupable à quelque part. Mais pourtant, le seul coupable, c'est nous, l'être humain, chacun de nous en tant qu'être humain. Donc, nous participons tous au malheur de l'humanité, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Même les chrétiens participent au malheur aussi de l'Éternel. Ils vont participer à la bénédiction parce qu'ils vont prêcher l'Évangile, mais dans leur péché, ils participent au malheur aussi des autres. Ils font leur malheur, ils font le malheur des autres. Si en tant que chrétien, je fais un péché contre vous, je participe à votre malheur aussi, jusqu'à un certain point. Mais en tant que chrétien, on peut. Dieu, dans sa grâce, va transformer ça pour notre bien. Dans sa grâce, lui, va le faire. Mais nous, on participe encore au malheur de la société. Le chrétien qui va trop vite sur la route et qui frappe quelqu'un, ben, il participe au malheur de quelqu'un aussi, là, dans ce sens-là. Donc, il dit au verset 15, il donne l'exemple que considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis les pierres pour faire le temple. Il a dit, puis là, il leur dit au verset 16, comment lui a vu, de façon de Dieu parle, de façon d'être un être humain ici, alors quand on venait au tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Il en manquait 10. Il dit, quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20, ce qui était passé les 30. Donc, il est en train de dire quoi, là? Il dit, vous me volez même dans le temple. Vous ne me donnez même pas ce que je devrais. Même quand les gens l'amènent, puis ça, vous avez juste à lire l'histoire d'Israël, à tout bout de champ, vous allez voir que les sacrificateurs, les gens qui travaillaient dans le temple, volaient le stock d'un cuve. Puis là, le sacrificateur, des fois, avait le droit de piquer dans la cuve pour prendre. La coutume, là, c'est qu'il y avait une fourchette, mettons, à deux fourchons. Puis là, il piquait dans la cuve, puis tout ce qui restait piqué après, c'était à lui. Tu sais, c'était ça, la maison. Fait que, là, il rajoutait des fourches, il mettait des fourches à quatre fourchons, ou à cinq, là, il piquait, puis il en prenait bien plus, comprends-tu? Mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est plus important que le restant, là. Donc, il dit, on vient à la cuve, on vient à la mesure, on vient, là, puis il dit, il en manque du stock. Où est-ce que, entre ce que les gens donnent et ce qu'il y a dans le temple, il y a du vol entre les deux, c'est clair, là. C'est comme aujourd'hui, les gens pourraient dire, on donne 10 000 piastres pour les petits pauvres en Afrique, puis il en arrive juste 2 000 là-bas, ils en ont gardé 8 000 en s'en allant quelque part, là. Ils ont volé de l'argent, là. OK? Et ça se faisait en même temps. Là, l'être humain n'a pas changé. Ça. Il n'a pas changé d'une scène. Il n'a pas changé. Il était de même, là, 7 000 ans, 10 000 ans, puis il est encore de même aujourd'hui. Il a juste changé de contexte. Il est tout le temps il est passé de la Renault au chameau, le chameau à Renault, mais ça va être toujours le même homme, toujours la même femme qui est là. Et elle ne peut pas faire le bien. Et Dieu dit, regardez ce qui est arrivé. Tout va mal pour vous autres. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la graisse. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Donc, le fait que ça va mal, que lui est puni, que lui est châtié, que lui. Il dit, c'est pour vous ramener à moi. Puis il dit, vous n'êtes même pas revenu. Vous avez essayé de trouver d'autres solutions que moi. Et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Ça n'a pas marché. Donc, il dit, cette mauvaise priorité que vous avez, il dit, ça l'a emmené la malédiction dans vos vies. Et j'ai emmené la malédiction pour que vous puissiez revenir à moi. Si vous n'êtes même pas revenu. Alors, il y a un passage dans l'Ancien Testament, je ne me souviens pas dans quel livre. Dieu dit tout ce qu'il a fait pour que les Israël reviennent. Puis, il y en a plusieurs chapitres, il dit tout ce qu'il a fait. Puis à chaque fois, il va dire, malgré cela, vous n'êtes pas revenu. Malgré cela, vous n'êtes pas repenti. Puis il en a envoyé, si je pourrais parler en québécois, de la merde. Ils n'ont pas revenu, puis ils sont pas revenus, puis ils sont pas revenus, puis ils sont pas revenus. Et ils revenaient à pas. L'être humain est comme ça. Tu n'as pas la bonne priorité, Dieu dit, j'ai envoyé des malédictions et tu n'as pas bougé. On a vu la semaine passée, les semaines d'avant, que quand Dieu veut qu'il revienne, il faut que lui vienne réveiller les cœurs, réveiller les âmes pour qu'il puisse revenir. Parce que par lui-même, il ne reviendra pas. Il pourrait vous dire qu'une grande partie du peuple d'Israël n'est jamais revenu en Israël. Ils sont tous restés à Babylone. Il aimait mieux être là-bas avec leurs affaires qu'à revenir en Israël. C'est juste une petite minorité qui est revenue pour bâtir le temple. Mais si la mauvaise priorité est la source de la malédiction, mais la bonne priorité va être la source de la bénédiction. C'est tout automatique. Hein? C'est l'inverse du verset 19 jusqu'au verset 23. Il dit, mais il dit, à partir du jour où vous avez fondé ça, à partir du jour où vous avez décidé de bâtir le temple, la bénédiction va commencer à couler sur vous. La parole de Dieu, au verset 20, fut adressée pour la seconde fois le 24e jour du mois, en ces mots, par Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, voici ce que je vais faire, parce que vous avez mis une fondation au temple, vous avez décidé de bâtir. J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais vous donner la victoire sur vos ennemis maintenant. Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'était un des barèmes, c'était un du thermomètre. Quand Israël allait à la guerre, puis qu'ils se battaient, puis 300 contre 100 000, puis ils gagnaient, ils savaient que Dieu était avec eux. Un peu comme Gédéon contre l'armée de 100 000. Ils savaient. Donc, ils allaient à la guerre, puis ils étaient souvent perdants dans le sens de nombre et de qualité, de tout ça. Ils gagnaient. Des fois, Dieu envoyait des roches à la tête des bandits, il y avait des anges, les tuaient. Des fois, dans la nuit, ils se réveillaient, les ennemis, puis se tuaient entre eux autres. Il y avait toutes sortes de façons de le faire, mais il leur donnait la victoire. Dieu dit, je vais ébranler les cieux, je vais renverser les trônes, je vais tout vous donner la victoire sur vos ennemis. C'était la façon à Dieu de dire, maintenant vous avez la bonne priorité, je vais faire ça. Puis au verset 23, disant, ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shéthiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Moi j'appelle ça l'appartenance. Donc Dieu dit, à partir de ce jour-là, vous m'appartenez et je vous appartiens, vous m'appartenez. Il y a un lien qui s'est fait là. Et Dieu dit, vu que vous avez pris la bonne priorité, maintenant, je vous garde. Vous m'appartenez, vous êtes à moi. Donc, je vais prendre soin de vous. C'est toujours la même vérité de la Genèse Apocalypse. Présentée de différentes façons, mais c'est toujours la bonne priorité. Dans le Nouveau Testament, on dit quoi? Repends-toi. Et reviens à Dieu. Repends-toi. Et prends la décision de la bonne priorité dans ta vie. C'est la même vérité. Reviens à Dieu, prends-le comme ton Seigneur, comme ton Maître, comme on va dire. Détournez-vous, puis revenez, servez l'Éternel. Jean-Baptiste le prêchait de la même façon. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Donc, le roi s'en vient, préparez le chemin, il arrive. Donc, c'était toujours la même vérité. Revenez à moi. Il va le dire autrement, dans Luc 14, il va dire, Si vous ne renoncez pas à vos parents, à vos amis, à vos femmes, à vos enfants pour moi, il dit, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous ne renoncez pas à votre propre vie, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous ne renoncez pas à tout ce que vous possédez, vous n'êtes pas digne de moi. Je suis la priorité, donc vous devez être prêt à abandonner tout ce que vous avez pour être mon disciple. C'était la même vérité, là. Il l'a juste dit autrement, mais c'était la même vérité. Je suis la raison d'être de ta vie. Sinon, l'être humain reste souillé, et tout ce qui touche est souillé, et la malédiction pèse sur lui jusque dans l'éternité. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. On aimerait bien, dans le monde, penser qu'on peut avoir des demi-mesures avec Dieu. Fais ton possible, Dieu va t'accepter, tu fais de ton mieux. On entend ça partout, c'est la mode là partout. On n'a plus ce gris, ce blanc ou ce noir. On va tout être dans le gris. La vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, il n'y a pas de zone grise. On a été élevé là-dedans, nous autres, de limbe et de purgatoire. Il y avait une zone grise là quelque part. Tu mens, tu n'es pas correct, mais c'est pas si mal, tu n'as pas fait des gros péchés mortels, donc ça va au purgatoire, tu es dans la zone grise. Tu vas en sortir un moment donné, tu vas aller au ciel. Mais ça, c'était de la diffamation, c'était de l'abomination, c'est pas vrai. T'sais. Et donc, Dieu dit la même chose ici, et ça se transporte pour nous dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu nous accepte dans son monde, dans son peuple, seulement si on décide que lui va être la priorité de nos vies. Et étant cette priorité-là, automatiquement, il dit, je vais déverser maintenant sur toi la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La nouvelle naissance pour nous autres. On devient son temple, on devient le temple de l'Esprit, on devient la maison de Dieu, on devient son peuple, et la bénédiction de la vie éternelle va couler pour l'éternité sur nous autres tout le temps. Et il nous accepte, il nous prend, on devient ses enfants, il nous a choisis, il nous garde, on est avec lui. Et nous, l'avantage avec nous dans la nouvelle alliance, c'est qu'il n'y a pas de virage de bord. Dans l'ancienne alliance, les autres avaient toujours juste un temps. Ils arrivaient, puis embarquaient, puis là, ils arrivaient, puis ils pouvaient faire une génération, ils pouvaient faire deux générations, ils pouvaient faire des fois même juste 10 ans, juste 5 ans, puis replanter. Pour nous autres, c'est non, c'est la nouvelle alliance, c'est une fois pour toujours. Parce que là, Dieu fait la nouvelle naissance, fait la transformation de l'être intérieur. Et il met cet esprit-là, et automatiquement, on va vivre cette vie-là toute notre vie en tant que chrétien. C'est ça la grosse avantage de la nouvelle alliance. Il n'y a pas de virage de bord. C'est une fois pour toutes. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas qu'il n'y a pas de combat. Mais par la grâce de Dieu, par la force de cet esprit, on revient toujours à la bonne priorité. On revient toujours à la bonne priorité. On revient toujours à la bonne priorité. Ça peut prendre X temps, mais on revient toujours à la bonne priorité parce que c'est une promesse de Dieu. Je vais habiter en toi. Mon Saint-Esprit va habiter en toi éternellement. Tu vas être avec moi pour toujours. Est-ce qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament, le salut se perdait? Je ne pourrais pas dire ça, pas plus que dans le Nouveau Testament. Il n'y a jamais ce langage-là, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau. C'est un langage baptiste, ça. C'est un langage évangélique, le salut se perd. Ce n'est pas un langage biblique. Non, mais c'est, tu dis, est-ce que ouais. Celui, tu m'as parlé de celui qui se perdait. C'est pas un langage du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Il dit, par exemple, que jamais personne ne te revira de sa main, par exemple. La Bible. Ça revient à dire la même chose. C'est pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça dit pareil. Je dis tout simplement, c'est pas un langage du Nouveau Testament. Je l'ai déjà dit, j'essaie personnellement de garder le langage, comme ça je ne m'éloigne pas. Je garde le langage. Elle ne dit pas, je ne dis pas, tant que possible. Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible présente un salut éternel, un salut inconditionnel, irréversible. Mais elle présente des gens qui ont dit qu'ils l'avaient et qui l'ont pu. Après, elle parle de ça aussi. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Puis il parle aux gens qui ont fait profession de foi. On sait que dans les églises, il y a des centaines, des centaines de personnes, puis ils sont pas plus convertis pour ça. Non? Non. J'en ai connu personnellement, ça faisait 80 ans qu'à l'église, puis ils ne sont pas convertis, ils sont convertis dans la fin de leur vie. Mm-hmm. J'en ai connu plus qu'un. Mm-hmm. Parce que dans certaines églises, on a le langage qui perdent leur salut. Okay? Dans d'autres églises, on va dire, on prend le langage, ah, mais ils n'ont jamais été sauvés. Donc, mais la Bible n'emploie pas ni un langage ni l'autre. Mm-hmm. Je ne dis pas que c'est correct ou pas correct de l'utiliser. Je dis que la Bible n'emploie pas ce langage-là. Donc, dans l'ancienne alliance, quelqu'un qui gardait pas la bonne priorité, Dieu le rejetait. Dans la nouvelle alliance, quelqu'un qui fait profession de foi, de connaître Dieu, et qui rejette Dieu, Dieu dit, si tu me renies, je te renie. Simplement, c'est ça qu'il dit, c'est le langage biblique. Renie-moi, je te renie. Dans le fond, les deux, si on renie Dieu, à un moment donné... Il faut faire attention, on ne parle pas de renier l'Église baptiste, on parle de renier Dieu. La foi. Si moi, quelqu'un vient me voir, ça fait 50 ans qu'il va à l'Église, n'importe quelle Église baptiste ou évangélique, puis qui me dit, je renie Dieu maintenant, je renie la foi, je renie Jésus-Christ, je m'en vais à l'Église catholique, mettons, puis je me fais baptiser d'être sauvé mon âme. Moi, je lui dirais tout simplement, Paul dit, si tu fais ça, tu es perdu. Je ne m'ostinerais pas avec lui s'il était déjà sauvé ou il n'était plus. Je ne m'ostinerais même pas avec ça. Mais je dirais, si tu fais ça, tu es perdu. Et c'est ça que la Bible a dit. C'est ça qu'elle dit aux Épîtres aux Hébreux. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Donc, il ne dit pas vous avez perdu, il ne dit pas vous avez eu, vous l'avez pu. Il faut juste dire, si vous faites cette action-là, vous êtes perdu. Donc, j'aime mieux en plus ce langage-là, parce que c'est plus simple pour moi. Puis c'est plus facile à montrer par les Écritures, de dire, regarde, si tu prends quelqu'un, un homme qui fait profession de foi, ou une femme qui fait profession de foi, puis elle vient te voir, puis elle dit, François, moi je retourne à l'Église catholique, puis je pense me suis trompé, puis je vais le faire baptiser mes enfants. Je n'ai vu de ceux qui ont fait ça. Je vais le faire baptiser mes enfants, je retourne à l'Église catholique. Je pourrais te lire un passage dans l'Épître aux Hébreux. Si tu fais ça, t'es perdu. C'est facile pour moi de lui montrer là, un passage. Mais si j'essaie de lui dire que tu perds ton salut, là, je vais avoir de la misère, parce que la Bible n'emploie pas ce langage-là. C'est plus dur à démontrer. Donc, et dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit des hommes, comme des gens qui m'ont déjà posé la question, est-ce que Saül, le roi Saül, as-tu été sauvé? Des belles questions, hein? Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il a servi Dieu pendant un temps. Finalement, il s'est éloigné de Dieu, finalement. Ouais. Donc, il est mort. Il renie Dieu, ou s'il a juste arrêté de, comme qu'on dirait aujourd'hui, marcher comme... C'est pour ça que je dis, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais tout ce que je vois, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu, puis Dieu l'a abandonné. Il l'a laissé mourir sur le chemin de bataille, puis il l'a abandonné. Maintenant, ça rend avec Dieu, c'est son affaire avec lui. La question pour moi, c'est que la Bible ne me le dit pas. Saül a été perdu. Dans l'Ancien Testament, il ne parle pas de ce langage-là. On ne parle pas de ce langage-là. Donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'est plus touché pour nous autres. C'est pour ça qu'on a de la musique quand David va dire « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Donc, nous, on ne parle pas comme ça dans le Nouveau Testament. On ne dira jamais ça à Dieu. « Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Mais non, il ne l'enlèvera pas. Il a promis qu'il sera toujours là. Et ben, David, pourtant, il disait. Il ne faut pas l'appliquer que pour nous autres, parce que là, on est dans l'Ancienne Alliance. Donc, il faut faire attention. Il faut regarder comment ça fonctionne dans l'Ancienne Alliance, puis l'interpréter là. Puis comment ça fonctionne dans la Nouvelle Alliance, puis l'interpréter là. Parce donc, que l'Esprit Saint est venu, mais elle ne reste pas dans l'Ancienne. Non, non. Mais on n'avait pas les mêmes raisons. Pourquoi il partait, pourquoi il ne partait pas, puis est-ce que Dieu avait décidé, ou non, c'est-tu parce qu'il ne marchait plus, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là, du coup, il n'était plus là. Donc, puis, ça veut dire que David pouvait savoir que quand il était tout seul, puis que Dieu n'était plus avec lui, et puis qu'il avait peur de cette non-présence de Dieu avec lui. Je ne crois pas qu'il voyait la Trinité. Je ne crois pas qu'il voyait quelque chose en dehors de Dieu. Parce que pour David, les Juifs ne croyaient pas à la Trinité, donc c'était pour eux autres, probablement la puissance de Dieu, la force de Dieu, la présence de Dieu qu'il voyait dans ce sens-là. Mais une chose est certaine, pour le livre d'Agé, Dieu fait juste dire à la race humaine, au peuple là, qu'on appelle le peuple de Dieu, les Juifs, si vous n'avez pas la bonne priorité, voici ce qui arrive. Si vous avez la bonne priorité, voici ce qui arrive. Si vous n'avez pas la bonne priorité, vous êtes envoyé en esclavage, c'est terminé. Si vous avez la bonne priorité, je vous bénis, je vous prends avec moi, et on fonctionne. Donc, c'est tout ce que ça dit. Donc, quelqu'un qui était là dans ce temps-là, qui recevait ce message-là d'Agé, ce que Dieu voulait, c'est qu'il s'arrête, il se pose la question. Est-ce que Dieu est la priorité de ma vie? Oui ou non? Sinon, je dois faire de quoi? Si oui, je dois me confier dans la promesse de Dieu, qui va être avec moi et qui va prendre soin de moi. Donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est une façon je dirais, très terre à terre, le livre d'Agé, de voir ce que le Nouveau Testament dit, lui, de d'autres façons. Et que ce que le Nouveau Testament parle de repentance, c'est ce que Dieu est en train de vouloir dire au livre d'Agé. Des fois, les gens pensent que la repentance, c'est de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ben non, ben non. Tous les Juifs avaient dit qu'ils étaient pécheurs. Ça ne faisait pas d'eux autres des gens qui avaient la bonne priorité. La plupart des catholiques au Québec vont vous dire qu'ils sont tous des pécheurs. Mais ça ne fait pas d'eux autres des gens qui ont la bonne priorité. Donc, reconnaître qu'on est des pécheurs n'est pas la repentance. Parce que c'est... Mais le fait qu'on est pécheur démontre qu'on n'a pas la bonne priorité. Ça, c'est un fait. Nos péchés démontrent ça. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que quand on appelle les gens à la repentance, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu quand lui faisait ça? Quand Jésus appelle le peuple, repentez-vous. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux autres? Donc, quand Jean-Baptiste a dit, quand l'ange a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit, il va ramener les enfants à leurs parents. Il va ramener le peuple vers Dieu. Jean-Baptiste, son rôle, c'était de ramener le peuple vers Dieu. Et donc, c'est ça la repentance qu'il prêchait, de revenir vers Dieu. Il ne leur disait pas d'arrêter de faire certains péchés. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Vous êtes éloigné de Dieu, vous avez abandonné Dieu. Comme on voit un petit peu le dimanche matin dans le repas du Seigneur, vous avez abandonné. Isaïe disait la même chose, vous avez abandonné Dieu. Donc, c'est la même vérité. Donc, on va terminer là, ce petit livre de deux chapitres. J'ai pris plaisir à faire avec vous autres. Notre Père du ciel, tu es un Dieu qui n'est pas un Dieu de demi-mesure. Pour toi, c'est blanc ou noir. C'est lumière ou ténèbres. C'est vie ou mort. Et tu dis à ton peuple ici, ou à ce peuple, parce qu'à des bouts, tu ne l'appelles plus ton peuple. Si vous avez la bonne priorité, c'est la vie. Si vous avez la mauvaise priorité, c'est la malédiction et la mort. Je vous rejette parce que vous m'avez rejeté. Seigneur, notre rôle en tant que chrétien, nous qui avons pris cette décision dans notre vie, que tu vas être la bonne priorité, que tu vas être la raison de vivre pour nous. On est conscients. C'est juste par ta grâce qu'on a fait cela. On aimerait aussi, Seigneur Dieu, que quand on appelle les gens à se convertir, à se repentir, qu'on les appelle à faire un choix entre la bonne et la mauvaise priorité, entre Dieu et l'homme. Et fait qu'on soit des enfants de Dieu qui vont prêcher comme Jean-Baptiste, comme Jésus, comme les apôtres, qui vont appeler le monde à se tourner vers toi et à te servir. Car c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce qu'on a des requêtes de prière?